tu vois. Ouais, c'est ah, normal. C'est en plus. Il y a un problème moteur déjà. Non, il y a un petit problème moteur déjà. Bah, un problème de corde vocale. Il faut que tu ailles passage d'industrie, c'est de fourniture pour les coiffeurs. Et tu demandes, tu vas chez le marchand, et tu demandes, monsieur, je voudrais un peigne pour les cordes vocales, c'est David qui m'envoie. Mais si ça marche c'est pas, où, ça non, si ça marche pas, tu vas dans une quincaillerie. Ouais. Et tu demandes une boîte, sous-sol du BHV. Une boîte d'étincelles. Mais c'est quoi? Mais c'est, où tu trouves ça au BHV? Au sous-sol du BHV. Au sous-sol, tu vas au rayon quincaillerie. Voilà. Ou droguerie, que tu dois connaître. Tu dois connaître les rayons droguerie. Ah, droguerie. Mais et... tu te fous pas de ma gueule, là? Ah non, bah, dis donc. Ah, ah non. Bah alors. Non mais tu nous prends hein? On n'est pas Lune de Fiel, David des Zaza, hein? Non mais non. Si justement, justement c'est vous David des Zaza. Non. Non. Et alors tu vois? Zaza elle est par terre. T'as des problèmes des loges. Oui. Non mais t'as un petit problème. C'est tu es très nerveux. Tu dois être hyper nerveux. Mais c'est pas ça. C'est tu vois comme je suis pas très sûr de moi. Je sais pas pourquoi parce que vous mouchez. C'est normal, ça arrive. Et bon alors j'ai un peu peur et ça me fait perdre tous mes sens. Tous tes sens, c'est-à-dire tu n'entends plus, tu ne goûtes plus, tu ne vois plus. Bah je vois plus surtout. Mais ça c'est. Et puis maintenant. Mais si aussi, je crois que je suis sous toujours. Et puis maintenant la rubrique santé, santé, mon cul comme il sent bon. Ah ben, mais la bite est vraiment petite ou ben, 9 cm quand même hein. 9. Une petite endive, une petite. C'est honorable. Une petite bonne. Bon, 9. Attends, tu sais que tu as encore une possibilité de te rattraper avec ta bite si elle est large, épaisse. Ben non justement. Ah. Elle est plate. C'est non, c'est pas ça mais bon. T'as l'impression d'avoir un badge collé sur. 2 mm d'épaisseur, et 1 mètre de. Une lasagne. Mais en revanche, tu as de l'humour, tu es sympathique. Oui, mais bon, tu vois, c'est sympa parce qu'au moins, vous foutez pas de ma gueule. Non, tu es formidable, Gédéon. Bah oui, monsieur. C'est quand ta fête sur le calendrier hein? C'est quand ta fête sur le calendrier? C'est le 26. 26 quoi? Juillet. Ah, c'était le 30 juillet. Février, moi, Gédéon. Non. Non. 26 juillet. Ah, le monsieur, il parle beaucoup. Il est petit. Le monsieur, il a accent, il est canadien. Non, il est français, région parisienne. Mais il a gros accent. Argenteuil. Argenteuil, au marché. Il a un problème de petit pinus. Ah, vous avez problème petit pinus Argenteuil. Vous appelez Argenteuil? Oui. Monsieur. Non, j'habite Argenteuil, là. Ah, vous allez marcher Argenteuil? Ouais. Allez au marché. Oui. Très bon marché. Bien. Vous irez. Ok. Sous le bras. Gédéon. Oui. On va essayer de te trouver une meuf. Ben ouais, je veux bien, mais bon. Il faut te moucher peut-être là. Hein? Tu parles du nez. Non, mais je vois ça, c'est que là je suis un peu. Il a fait l'école nasale. Non. Et bon, et ce problème, c'est que. Bon, tu comprends le problème en gros. Ah oui, tout à fait. Non mais alors ça, je vais te dire, le problème de la bite, c'est pas un problème, Gédéon. Si tu fais bien le reste, tu peux... Ben, le problème, c'est que si avec la bite, bon, c'est pas très grave, quoi. Tu peux te rattraper au lichage, hein. Ouais, c'est ça. Là, tu peux te rattraper au léchage. Au gloutage, hein. Il y a le grattage, d'abord. Ouais. Tu dois être bon au grattage. Ouais. Après, il y a le tirage. Bon, il va peut-être pas y avoir trop remplissage. Ouais. Mais après, t'as le léchage. Et ouais. Là... Ben ouais, mais les meufs, elles me laissent pas le temps, quoi. Ah ben, il faut lécher avant, maintenant. Il faut que tu lèches avant le tirage. Et les doigts, les doigts. Et les doigts, travailler avec les doigts. Des doigts de magicien, des doigts de... Et comment tu es physiquement? Hein? En taille? Ouais. Je suis 1m56, enfin ça passe que c'est très bien. C'est gentil. C'est bien. 82 kilos? Non. Un petit peu. Non, alors, je fais un kilo, je fais un peu moins, je fais 56, un peu moins, 55. 1m55? Non, je fais 1m56-57. Ouais. Et je fais 55-56 kilos à peu près. Ouais, ça fait 1m53 et 37 kilos. Ça fait au carré, quoi. Ouais. Non, mais... Quand même pas, je suis sûr que tu dois être quelqu'un de mignon, parce que tout ce qui est petit est mignon. Oui, c'est vrai, en plus. C'est ce que me disait ma mère. Tu dois avoir un beau petit visage. Tu peux nous expliquer... Elle est gentille, ta maman, elle me l'a dit. Elle m'a dit l'autre jour. Et bon, vous faites rire quand même, hein. Non, mais peut-être ça mais va... Mais on est joueurs. Ça va à peu près. Mais bon... Tu as des lunettes. Bien, je suis sûr, si j'avais de l'argent, je pourrais. Les meufs, je plairais plus aux meufs, quoi. Ah, ben ça, c'est sûr. Oh, bah ça. Tiens, moi, c'est pareil, si j'avais de l'argent, je plairais plus aux garçons. Mais bon, ça, demande pas. À Zaza. Elle connaît ah, ça. Ah, ça, ouais. L'argent, ouais. Tu veux pas ah, oh, bah, oui. D'un petit billet de 100, ouh, oh, bah, en bec, là, ouh, bah, oui, c'est comme ça que je me suis fait agresser, moi. Bah, graissé ou agressé? Les deux, non, ah, agressé bon. D'abord. Et après, tu t'es fait graisser, introduire. J'ai passé une soirée. Épouvantable. Voilà. Et il paraît que quand on drague avec des copains, on a plus de chance. C'est pas vrai, parce que c'est les copains qui marchent le tout, alors. Seul tout, il faut guédra. Surtout toi que t'auras pas beaucoup, il y aura moyen de référence à côté de toi. Mais... Donc il faut que tu te mettes toujours tout seul. Ça veut dire quoi, guédra? Alors, tu fais draguer. Draguer, voilà. C'est à l'envers. Et valium, voilà. Tu fais lium va. C'est quoi lium va? Lium va, c'est pour mire d'or. Non mais là tu sais tu crois qu'en vérité je suis comme ça mais bon les gens ils croient toujours que je suis un peu sous tout ça, les meufs aussi elles me disent de mais tu bois un peu quand même non pas quand tu vas en disco ben non ils font un jus d'ananas. Ah, un jus d'ananas, c'est bien. Oh, il est bourré naturellement, c'est bien. C'est peut-être le corps qui fabrique l'alcool. Tu te rends compte? Il devrait peut-être essayer l'alcool, peut-être que ça. Non, mais en tout cas, Gédéon, il est sympathique. Il est sympathique. Fait tout ça, ça nous coûte une fortune. Ah non, toi, tu es vraiment sympathique. N'empêche, l'émission, tu sais, là, la semaine dernière, j'ai écouté. Il y avait des mecs, il y avait des mecs marrants quand même. Il y avait des marrants, mais toi, tu es encore plus marrant. Merci. Merci beaucoup. Bien. On est content de ton appel. Welcome and bienvenue. Welcome. Ça c'est au moins un rouge. On n'a pas passé de disque aujourd'hui. Ah c'est vrai, oui. On va passer un disque peut-être et je vais aller. Et puis peut-être. Eh Gédéon, tu es un garçon formidable. Merci beaucoup. On va faire le maximum pour toi, pour te faire rencontrer la petite fée de tes rêves. Mais tu sais, moi j'ose pas trop là, parler au téléphone. Mais tu peux nous rappeler quand tu veux, même la semaine prochaine, Gédéon. Tu seras toujours le bienvenu et ça nous fait très plaisir d'avoir un camarade comme toi qui nous écoute toutes les semaines. Une plage musicale et c'est White Night et c'est David qui chante. Voilà. Allô, bonjour. Allô. Oui, bonjour, c'est Géraldine. Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, quel est ton prénom? Johanna. Johanna, tu as une très jolie voix, ma poupée. Quel âge as-tu? 20 ans. 20 ans. Oh, tu en fais 18. Ah bon? Oui. Ah bah, j'ai 20 ans. Oh. Et tu as déjà fait l'amour avec un garçon? Ah, je fais que ça. Non. Est-ce que c'est bon? C'est super. Bon, est-ce que tu as des copines qui disent « Oui, moi non, les études d'abord ?» Ouais, certaines, surtout les intellos, mais autrement non, ça va. Bon, sinon les autres, est-ce que vous parlez entre vous, vous dites « Putain, celui-là, il m'a bien baisé, tu devrais essayer. » Ah ouais, tout à fait, ouais. Vraiment, ouais. C'est vrai, tu me le jures. Ah ouais. Dis-moi, jure et cracher. Ah, je jure et je crache. Oh, et tu craches d'où? Oh, ça c'est beaucoup. Ah, je suis sûre que tu vas me faire des très bons cris de jouissance. Un petit cri? Oui. Attends, on va te mettre de l'écho. Vas-y. Ah, vous pouvez pas mettre de l'écho? Si, attends. Eh, Johanna. Ouais. En plus, tu as un joli prénom. Ouais. Tu dois être bien chaude. Ouais. Les mecs doivent être... Mais putain, ils doivent être fous quand ils entendent des cris de jouissance comme ça. Ouais, d'ailleurs, il y a 3 mecs avec moi, là. Ah, bah ça va. Bah la vie est belle. Eh, ça va, on mange bien à la cantine, hein. Bah ouais. Elle est gourmande. Bah ouais. Vas-y, fais-nous un petit cri maintenant, on a mis l'écho. Ah. C'est génial. Ça remue les tréfonds de notre âme et du reste. Oui, superbe. Ils sont comme des fous derrière. Là, ils... J'ai mes 3 copains, là, ils en peuvent plus, là. Quel âge ils ont? Entre 18 et 20 ans. Et 18 et 20 ans. Tu as fait l'amour déjà avec les 3? Ah bah, je les prends tous les 3 à la fois, enfin, ils me prennent tous les 3. À la fois? À la fois. Ouais. Non, mais un dans la bouche, un dans le vagin et un par derrière. Ouais. Dans le même trou. Carrément. Et qu'est-ce que tu préfères? Le cul, surtout. Ah, le trou du cul? Oui. Oh, c'est divin, chérie. Oui. Vous faites un joli métier. Ah, c'est le trou du cul le plus sensible. Oui. Mais est-ce qu'il faut quand même que le chat soit visité en même temps? Ou tu préfères que le trou du cul soit seul à être visité? Je préfère le chat aussi avec. Ah, que... qui est quand même frottage du clito pendant qu'il y a visite du trou du cul. Ouais. Et grattage des seins. Ah, est-ce que les seins sont sensibles? Oui. Oui, quand même assez, oui. Pas trop. Peut-être quand tu seras plus âgé, tu seras beaucoup plus sensible des seins. Parce que les seins, on n'est pas sensible comme ça du jour au lendemain. Il faut un certain travail. Eh ben, dis donc. Oui. Il faut un rodage des seins. Et les seins, faut pas les prendre, les mecs, là, qui sont comme des naves, des fois, à faire, à toucher des seins. Ils prennent ça comme si qu'ils attrapaient un paquet de lessive. Ah oui, oui. Non. Les seins, ça se fait au bout. C'est le mamelon. Le petit truc marron qui est au bout. Le petit bout de saucisse de cocktail. Les petites, et ça se travaille entre le pouce et l'index, pas très fort, et vous roulez ça entre le pouce, oh là là, ça y aime le fait, et vous roulez ça, oh là là, c'est, mais tu sais qu'un mec il peut être aussi sensible des seins, oh putain c'est divin, c'est sublissime chérie, ça je suis obligé de m'arrêter, il va manquer un quart d'heure d'émission parce qu'il faut que j'envoie la purée maintenant. Bon alors, le bout des seins, ouais, se fait entre le pouce et l'index, ouais, et il faut rouler ça entre les doigts. Ah, comme oui, si que vous demandiez du fric. C'est, vous savez, quand vous faites avec le pouce et l'index que vous essayez de mimer le fric, eh bien il faut faire pareil. Au lieu que un mec qui me faisait ça l'autre jour, je lui donnais 100 francs. Mais non, il voulait te faire les seins. J'avais pas compris. Quand vous voyez quelqu'un qui vous fait le signe du fric avec le pouce et l'index, ben non, c'est parce qu'il a envie de vous faire les seins. Non, mais c'est bon de se faire prendre le mamelon en bouche aussi. C'est ah oui, divin ça. C'est excellent. Mais il y a des mecs qui sont sensibles, oui, des seins. Oui, absolument. Hein, ouais, tout à fait. C'est bon. Et est-ce que tu aimes sucer aussi? Ouais, assez. Mais moins, hein, quand même. Moins. La visite du trou est beaucoup plus demandée. Oui. Et est-ce que tu as des camarades qui se touchent la bite entre eux? Bah, écoutez, j'ai des copains là. Oui. Je voulais passer. Oui. Et ils vont répondre aux questions. Il faut un joli métier. Ouais, salut. Est-ce que tu peux me refaire, attends, encore pendant 15 secondes, un petit cri de jouissance comme si tu te faisais prendre par derrière. Oh, je t'en supplie, fais-moi ça bien pour moi. Ok. Vas-y. Ça suffit là. Encore. Refais-moi le. Et là, la jouissance maintenant. Oh non, pas tout à la fin. Oh si, je t'en supplie, refais-moi le. Sinon, je reviens pas la semaine prochaine. On dirait du Jean-Michel Jarre. Hein. Oh là là, on pourrait en faire un 33 là. Ah bah ça, alors... ce sera les paroles de mon prochain album. Voilà. Ok, pas de problème. Bon, on t'embrasse Johanna, tu me passes tes camarades et bravo. Ouais, je te passe David. D'accord. Salut. Ouais, allô. Allô, salut David. Ouais, salut David et Zaza. Il paraît que les David, ils baissent super bien. Comme un dieu. Oui, ça c'est des rumeurs. Hein. Ah, moi c'est ce qu'on m'a dit. Oui, hein. Bah, moi je reçois du courrier. Hein, ça. Il paraît que les David, des bons gourdineurs. Hein. En tout cas, c'est mon cas. Bon, est-ce que le perchoir Adam tient bien? Bien sûr. Bon, alors maintenant tu vas faire un essai. Lorsque tu banderas, qu'est-ce que tu as sur... Tu as des blousons, des manteaux, des trucs comme ça? Un calbut. Non, c'est trop léger un calbut. Il faudrait que tu prennes, soit un blouson, soit un manteau. Ok. Tu montes sur une chaise. Oula. Tu prends ta bite et ouais, t'essayes de t'en servir comme porte-manteau. Si le blouson ou le manteau y tombe, c'est que tu bandes pas assez fort, que t'es pas prêt encore pour les Jeux Olympiques du cul. D'accord. Ok, parce que si tu veux rentrer dans un trou de balle, il faut que la bite soit bien dure. Parce que si c'est un bout de guimauve, un marshmallow ou un chamallow pouraga, c'est pas la peine d'essayer de faire la visite du trou du cul. Alors d'accord, pour savoir si votre sexe est bien dur et être prêt à la visite du trou, eh bien vous montez sur une chaise et vous mettez un blouson ou un manteau accroché à la bite. Et si le manteau y glisse ou le blouson y glisse, c'est que vous êtes des nappes, c'est pas la peine, il faut écouter Énergie ou Skyrock, c'est pas bon pour une. Hein. D'accord. Ça, on veut pas des tops à com. Hein. Et alors la petite Johanna, bien? Ouais, extra. Hein, c'est un bon coup? Oui. Extra. Ah, parce qu'elle a l'air de quand même bien jouir. Parce que là, c'est pour rigoler qu'elle fait ça. Mais alors imagine. En vrai. En live. Voilà. Ouais. Comment ça doit être? Bande. Une cassette son. Je crois qu'il faut mettre une montre étanche hein, si tu la baises. Ou prendre un parapluie parce que je vais te dire, la purée, ça doit partir. Hein. Une vraie cascade. Oh là là là là. Et tous les trois en même temps? Ouais, tous les trois. Ouais. Alors qui c'est qui visite le trou? Est-ce qu'il y en a un qui est interchangeable? Ouais, bah le trou du fion c'est Alexandre. Ah, et la bouche c'est Julien. Et toi c'est quoi? Moi c'est le vagin. Bah, oui. Toi c'est le vagin. À chacun ouais, sa spécialité. Et vous ouais, jouissez tous les trois en même temps? Ça vous est Non, non, pas tous. Pas synchro. Pas tous les trois, non. Vous avez jamais essayé d'être synchro? De faire synchro, oui. Bah on essayera tout à l'heure. Ouais. Ah, ça vous pourrait la combler. Et vous devriez mettre une cassette en route avec un micro incorporé. Et vous enregistrez, vous nous donnez la cassette. Ouais. Ah ouais, ça ce serait génial. Parce que s'écrit à elle plus les vôtres. Les vôtres. des râles. Un joli document sonore. Et y a ouais, on essaiera. Pour Lina. Il n'y a pas de plainte des voisins. Pour Lina, ça fera un joli document. À garder. Dans t'imagines quand même, quand il y a enculage, il y a quand même. Il gâche le spermatozoïde. Hein, parce que c'est perdu, là, dans la grotte. Ah bah oui. Il y a assez un cul-de-sac. Ça va nulle part, hein. Oui, bah ailleurs, ça va nulle part non plus. C'est ah ben bah dans perdu. Le chat, hein, ça rentre, il y a quand même des chances que ça se reproduise. Bah, et là, dans le trou du cul, les spermatozoïdes, il les tue direct, hein. Bah oui. Mais ça, il y a suicide, hein. Oui, mais comme il y a surpopulation. Oui. C'est ça, c'est François, ouais, hein. François. Salut François. Et tu as quel âge, François? J'ai 20 ans. 20 ans. Ouais. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors là, je vais vous faire rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Allons-y, des faits, rien que des faits. Voilà, alors là, je suis avec une amie. Mmh. Attends, ton poste de radio est un peu refaux. Ah bon, attends une seconde, là, Alors, en attendant, on fait un gros bisou à tous ceux qui sont en tôle, tous ceux Absolument. Qui travaillent actuellement, tous ceux qui sont taxis, qui sont très perturbés parce qu'ils ne peuvent pas écouter l'émission lorsqu'il y a des clients un peu style oreille chaste, mondaine, vison, viton et tout. C'est les pires. Voilà, c'est les pires. C'est celles qui sucent des bites à tout va. Mais avec une paille. Ah voilà, avec une paille. Elles sucent avec des pailles. Un cocktail. Oh, c'est délicieux. C'est divin. Ah, mes copines. Allô. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bah alors là, je suis avec une copine là et j'ai un problème, j'arrive pas à avoir la gaule. T'arrives pas à vendre. Il faut prendre horrible. Du fabulon. Ah ou non, mais ça c'est pour plus tard. Ça. Mais alors, t'arrives jamais à bander? Non, mais si j'y arrive, mais là je sais pas ce qu'il y a, d'ailleurs elle est à côté de moi, elle peut témoigner. Bon, le matin quand tu travailles, il y a le chapiteau ou pas? Bah ouais. C'est bon, ouais, elle est bon. Dure. Ouais, ouais. Quand tu vas aller pisser, il faut que tu te tordes en deux pour, pour essayer de viser la cuvette. Bah ça dépend de la cuvette. Et ça c'est épouvantable, c'est le matin quand t'as la gaule et tout, tu veux aller s'épi. Ouais. Et tu te réveilles, t'es au-dessus des chiottes et ta bite est presque collée à ton ventre. Et il faut que tu tordes la bite et t'en fous partout sur la C'est cuvette. Affreux. Alors il faut que t'ailles pisser dans la baignoire, tu pisses, ouais, tu pisses dessus. Ça vous est jamais arrivé d'avoir la top coincée dans les poils et t'as un poil qui tire contre la peau, mais c'est coincé et t'as plein de poils sur le prépuce après. C'est... Moi ma bite est trop grosse et elle est coincée dans mes chaussettes des fois. Ah oui, ça c'est vrai. Bah dans les poils des mollets alors. Ou ça prend dans la pliure de mon genou quand je cours ou je m'assois. C'est sympa ça. C'est une bite énorme. Bon ouais, mais alors... expliquez-moi là parce que je suis quand même emmerdé là. Et tu l'as jamais tiré? Jamais. Non, c'est la première fois là. Elle est peut-être pas très appétissante. Bah elle fait la gueule. Hein? Elle fait la gueule. Ah bah non, mais j'essaye de voir. Non, elle est très bien, mais elle me plaît, la preuve, puisqu'elle est là. Est-ce qu'elle fait le maximum pour arriver à te faire gonfler? Ah ouais, non, mais là, j'ai les draps sont trempés, là. Elle suce? Ouais, elle a essayé, mais ça marche pas, là. Et elle arrive. Passe-la, moi. Ouais, je te la passe, attends, bouge pas. Allô? Bonjour. Quel est ton prénom? Ludivine. Ludivine. Ouais. Oh, c'est joli ça, Ludivine. Tu es espagnole? Non, je suis française. Ah, Ludivine, c'est pas espagnol, Ludivine. C'est pas un prénom espagnol, non. Excuse-moi. Vous aurez pu. Ludivine, mais tu te rappelles, il y avait une Ludivine. Ah oui, autre chose. C'était la version espagnole de la chose. Alors, dis-moi, ton camarade n'arrive pas à des bancs. Ah ouais, mais je suis vraiment gêné, ça m'énerve. Et c'est énervant de s'enfoncer juste un bout d'escalope dans le chat. Ah bah ouais, tout à fait, ça me fait rien du tout, quoi. C'est pas la vie, quoi. Oh là là. C'est pas très cool. Mais peut-être que, je sais pas, il faudrait essayer de le travailler, de le mettre à l'aise. Bah, je suis en train de le faire, mais bon, ça marche pas trop, quoi. Il a une grosse bite? Ouais, ça va, ouais. Alors, tu sais ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu restes toute une nuit avec. Mm-hmm. Et le matin... Ouais, mais j'ai passé toute la nuit quand même, j'ai pas envie de baiser, hein. Non, mais vous faites rien. Ouais. Et le matin, au réveil, quand il a le chapiteau... Tu montes dessus direct. Non mais je vais pas attendre le matin, là. J'écoute la radio, je vais le faire tout de suite là. Et ça te donne envie? Ah ouais, mais tout à fait, là, j'en peux plus. Hein. Vous avez qu'à demander à ça te prend à la gorge. Les draps sont tous trempés, c'est bizarre. Bon, alors, je vais t'expliquer. Il faut déjà lui faire une bonne pipe. Est-ce que tu sais bien sucer? Bah, je sais pas. Est-ce que tu es sûr de bien sucer? Tu trouves que je pue bien ou pas? C'est pas, je peux pas dire que je le fais souvent, quand même, je suis pas comme ça. Mais bon, j'ai eu l'occasion. Oui. Et je me l'ébrouille pas mal, quoi. Je me l'ébrouille. Bon, tu sais que une bite, il y a aussi des couilles qu'il ne faut pas oublier. Ah ouais, non, mais ça, il n'y a pas de problème avec moi. Et les couilles se lèchent. Alors. Ça leur fait du bien en plus, un examen. Prends la bite de ton copain en main. Ouais. Prends la bite. Bah, ouais, vas-y. Ouais. Tu l'as en main? Ouais, ça y est. Bon, est-ce qu'elle décalote? Ouais. Elle décalote. Ouais. Bon, est-ce qu'elle est molle ou là elle commence à durcir un peu? Bah, c'est toujours aussi mou. Est-ce que les couilles sont bien accrochées et pendantes? Ah ouais, là, elles sont... celles-là, elles sont bien, ça va. Bon, alors maintenant, tu vas prendre la bite, tu vas te mettre à genoux. Ouais. Bon, tu vas garder le téléphone à côté de ta bouche. Mm-hmm. Hein, et tu vas mettre le gland dans ta bouche. Et je vais t'expliquer maintenant ce qu'il faut faire. Non, mais bon, je sais piper quand même. Hein. Non, non, mais je vais t'expliquer pour le faire bander. D'accord. Attendez. Bon. Et les mecs, sur les... Hein, on te soutient, on est là. Voilà, alors... Ouais. Tu prends juste le gland en bouche, voilà. Et avec ta langue, tu travailles sur le filet qu'il y a sous le gland. Voilà. Voilà. Maintenant, tu vas lécher, tu vas retirer la bite et tu vas lécher le dessous des couilles. C'est, ça, c'est fameux, c'est délicieux. Normalement, il doit avoir des frissons dans le dos. Moi, ça m'en fait, là. Ouais, ouais, ouais. C'est, oui. Bon, maintenant, tu vas lui caresser le trou. Parce qu'il y a un bouton à l'intérieur du trou qui va lui permettre de gonfler. Parce que tu n'as pas réussi à toucher l'interrupteur. Attends. Et à l'intérieur du trou, enfonce de 3-4 cm et tu vas voir un bouton marron. Ta pute. Et ça devient crade là. Non, là, mecs, non, là c'est une boutade. C'est une boutade. Une boutade. Non, c'est une boutade. Allez, alors, jolie la boutade. Non. La boutade me monte au nez. Hein. Bon, j'écoute vos conseils là. Bon, Ludivine. Il faut que tu arrives. Ludivine. La grosse pile. Ludivine qui rit quand on la pile. Non, il faut le sucer jusqu'à temps qu'il bande. Ouais. Et il va y arriver. Tu le mets à l'aise, tu le caresses. Y a pas d'autre truc ? Tu lui fais des massages, tu lui lèches à l'intérieur des cuisses. Ouais, mais bon... C'est désespérant, hein. Ah, c'est, mais... Bon, en plus, je sais plus quoi faire, là. Je crois que j'ai gâché ma soirée, non. Bon, je sais pas. Il faut que François... Je suis pas comme ça, mais bon, je veux dire, je sais pas... Ça fait, je sais pas, 2 semaines que je suis avec lui, et bon... Moi, si Zaza, tu as la bite de François devant toi, tu arriveras à le faire bander. Je ne sais pas. Prêter des... Est-ce que t'as un physique facile ou pas, Zaza? J'en sais rien, chérie. Tu sais, c'est pas un facile. Quoi un quoi un physique facile. Ah oui, oui. Ça, ah oui, oui, oui. Ça, pas s'adapte, mots. Ça s'adapte à tout. Non. Un très joli physique, et ça, il y a pas de problème. Ouais, mais les mecs, je suis hétéro, là, pour la gauche, c'est pas bien ce que vous me dites. Hein. Ah oui. Mais non, ça. Mais... Il faut quand même que ta copine fasse le maximum, parce que je suis sûr qu'elle te gaufre pas bien. Non, mais en fait, je vais vous expliquer le problème, quoi. Ouais. Le problème, c'est que cette meuf, bon, moi, je suis en fait, elle traîne qu'avec des mecs hyper chelous, ah, tu vois, oui. Des mecs hyper chelous. Donc, en fait, ce qu'elle me demande, j'ai l'impression qu'elle me demande de lui parler en espèce de... en verlan tout le temps, chelou, quoi. Et peut-être que, je sais pas... C'est peut-être ça qui l'excite. Parce que là, elle, en fait, elle dit qu'elle est excitée, mais elle est pas si excitée. Oui, mais en attendant, c'est toi qui demande. Est-ce aussi. Que tu l'as... Bah oui, tu l'as, il faut la dominer, peut-être. Ouais, mais alors là, j'arrête pas de lui parler, là. Oh, ça là, peut-être. Oh là, j'arrête pas de parler comme ça. Bouffe-moi bien, sale top. Un sale pète, je vais te niquer ta mère, tu vas voir. Bon, ça lui plaît là, ça tu lui sais plaît. Ce qu'il faut faire, François. Ouais. On va te trouver une meuf. Ouais. Et tu vas essayer avec elle. Ouais. Et je suis sûr que là, t'arriveras à trouver la Gaule. Ouais, bah j'espère, parce que là, c'est désespérant. À la rigueur, elle pourrait se joindre à nous, quoi. Bah bien sûr. C'est ça, en fait. Bah oui, puis on est parce oui. que là, ouais. Là, peut-être qu'à deux, elles y arriveront. Non. Moi, je suis sûr qu'on va te trouver une meuf, là. Ouais, mais une meuf beige, comme ça fera un contraste. Hein. Mais c'est-à-dire, elle arrive, vous ne parlez pas, tu la tires et elle s'en va. Ok. Ça c'est on, non? Ça c'est bon. Voilà, elle vient, elle te bouffe la pine. Mais il y en a plein qui sont comme ça, plein. Bah beaucoup, oui, beaucoup, mais... Je sais pas, là, pourtant, c'est la meuf avec qui je suis, je pensais qu'il n'y avait pas de problème. Quoi. Non, on va te trouver, merci. François. Ouais. Bon, je vous embrasse tous les deux. Ok. Et à très bientôt. Salut. Alors, s'il y a des meufs qui veulent... Allô? Salut ma poupée. Salut ma petite reine. Ça va? Comment elle va? Elle est joueuse. Mais elle est mignonne. Elle est joueuse. Elle est joueuse. Elle est joueuse. Oui. Et alors, et quel âge elle a? Elle a 18. Et quel est son prénom? Et son prénom, c'est Serge. J'aurais préféré m'appeler Sergine ou Serviette, mais... Oui. Serge, c'est pas mal. Oui, ou Serpette. Serpillère. Oh, t'as un salaud. Serpillère. Oh, Serpette qui rit quand elle pète. Oui. Tu es salaud. Oh, tu es joueuse, ma poupée. Je t'adore. Oh. Assis-toi, parce qu'on voit une petite lumière quand tu ouvres la bouche. Comment mais tu qu'est-ce le que c'est dans le fond? Tu es nu, ton trou du cul est ouvert, ma poupée. Assieds-toi tout de suite. Ah, et demande à ton camarade de retirer les doigts de ton cul. On retire les doigts de ton cul, toi. Voilà. Ah non. Ça se fera tout. Alors, combien vous êtes, là? Alors, on est trois. Oui. On est dans un studio, vous imaginez un peu? Un studio? Ouais. Un studio d'enregistrement? Mais non, pas d'enregistrement. Un studio, c'est-à-dire pas à deux pièces. Avec un grand lit. Ah, avec un grand. Un deux pièces d'une pièce. Voilà, exactement. Voilà, on a tout compris. Alors Serge et l'autre, c'est quoi? Bah l'autre c'est un charlot, l'autre s'appelle François. Une trompette. Une trompette. Charlotte, c'est Charlotte. Une guimauve. François et Bruno. Et Bruno. Et voilà. Vous avez tous les trois 18-19 ans. 18-19. Et je suis sûr que dans les trois, il y en a qui n'ont jamais baisé. Eh ben alors attendez, on va vous expliquer. Baiser, bon, c'est pas un problème, baiser. Ouais. Bon, mais nous, les meufs, ça nous a... bon, c'est bien, d'accord. Mais bon, nous, on est nous trois, dans un studio. Et on aimerait, je sais pas, pourquoi pas, s'enculer tous les trois. Mais le problème, il y a un problème, c'est qu'on n'a jamais fait ça. On n'a jamais fait ça, donc on sait pas comment faut s'y prendre. On est un peu des puceaux du cul, quoi. Pas de meufs. Ben, les meufs, je sais pas, on sait pas. Mais vous avez jamais Ken encore. Si, on a déjà Ken. Des non, meufs. Non. Hé, un studio, ça sert à quoi? Jure-moi sur la tête de ta mère que tu as déjà Ken. Oui, et après, tu vas me dire, mais quoi, ton cul quand tu jures, hein. Non, jure-moi sur la tête de ta mère que tu as déjà baisé. Ah, je te jure sur la tête de ma mère que j'ai déjà baisé. Et croiser ne compte pas. Ah, tu vois, tu veux. Oui, le croiser ne compte pas. Et tes deux camarades ont déjà baisé? Ah, bah oui, on ne fait ça qu'à trois. Non, non, parce qu'à 18 ans, vous êtes plein de vent, là. Ouais, remarque, c'est possible, ouais. Vous nous développez un maximum. Et puis en fin de compte, vous n'avez jamais Ken. Hein. On n'est pas des charlots, nous. Hein. Ouais. Mais là, on est des charlottes, en fait. Ça. Est-ce que vous êtes mignon déjà? Ah, alors là, on est adorables. Trois symboles sexuels. Comme David. Est-ce qu'il y en a un qui a des lunettes? Non. Non. Est-ce qu'il y en a un qui a des boutons sur la gueule? Non. Les trois. Non. Est-ce qu'il y en a une centrale téléphonique? Zaza. Est-ce qu'il y en a une qui. Est-ce qu'il y en a des grosses queues, oui. Est-ce qu'il y en a une qui est un peu naine? Ah oui, moi je fais 1m68, moi. Mais il y en a un qui fait 1m90, ça la rattrape. 1m60, tu peux le sucer debout. Tu peux le sucer. Mais j'y arrive pas. J'ai essayé, hein, mais je suis jamais parvenu. Et t'as une grosse bite. Alors là, ma bite, elle est pas longue, mais elle est grosse. Elle est d'ailleurs pour ça que j'arrive pas. Je sais pas comment m'y prendre pour les. Bon, on est tous les trois d'accord pour s'enculer. Ça fait un peu boîte de petits pois. Ouais, on voudrait faire le petit train, mais on sait pas comment. Ah, alors lequel a décidé de se faire Ken déjà? Bah, il faut une victime, hein. Moi, je suis une salope, alors je veux me faire Ken. T'es bon là pour la visite? Ouais, je suis bon, mais il veut essayer, mais j'ai mal. Et vous voulez qu'on vous passe le docteur Ruth? Oui. Ah ouais, docteur Ruth, docteur Ruth. S'il vous plaît. Ah, alors, vous voulez-vous, bonjour. Bonjour, plaque d'égout. Bonjour, qu'est-ce que plaque d'égout? Oui. Comment? Ils vous ont dit, docteur Ruth, que vous étiez une plaque d'égout. Et non. C'est quoi? Ça veut dire que vous êtes très belle. C'est une expression typiquement française. Ah, bien défini. Dit parisien, je veux dire, ce sont les parisiens de souche. C'est un mot d'amour qui veut dire à une femme élégante comme vous êtes. Oui. Vous êtes très jolie. Vous êtes une très jolie femme, non? Je vous ai vu encore hier. Vous pouvez faire ça, oui, très jolie. Oui. Jolie, jolie. Des grands yeux. Très ouvert. Alors, beaucoup. Alors, nous allons. Serge. Alors, vous êtes sensible et vous voulez avoir la visite de le cul. Oui, la visite par un de mes copains. Oui. Par Eric. Alors, vous êtes les homosexuels. Homosexuel. Bah oui, à tendance. Il faut faire travailler par votre camarade. Oui, mais j'ai jamais fait ça. Les sphincters. Oui. Travaillent avec les doigts. Et un doigt, deux doigts, ouais. Trois doigts, une main, deux mains, et bravo pour ça. Et après, vous faites la visite. Alors, toujours mettre des laits gras. Des laits gras. Ah, d'accord. Du lubrifiant. Ah, des laits gras. Bottes. C'est. Du beurre. Oui, vous mettez les bottes, les beurre. Oui. Et faire comme ça. Ou vous faites comme ça. Vous faites comme ça. Et. Arrête de te branler, toi. Et après, vous faites enculer, pougnave par les camarades à côté de vous. Françoise, c'est Françoise? Oui, Françoise. Et Bruna. Et c'est lui. Bruna superbe. Et Bruna, il est très très bon. C'est délicieux. Oui, mais... J'ai reçois les États-Unis, States, et beaucoup des femmes, hommes qui font joli métier. Ouais, mais ça fait mal. Et qui non, pas question, pas beaucoup mal. Bah, je suis sûr. Vous êtes que vous êtes vieille, vous alors. Vous pouvez beaucoup. Vous êtes rodée. Ouais, mais toi, t'as un trou complètement ouvert. Hein. Non, le trou est sublime, ici, délicieux, bien. Moi, j'ai un petit trou, j'ai pas envie de me faire. Non, vous êtes enculé. Oui, mais. Et vous allez faire un joli métier. Je suis enculé novice. Et non. Vous êtes déjà avoir envie, c'est déjà ouvrir la porte du trou. Ah, ça, je suis d'accord, mais. Voilà. Si vous faites enculé, surprise, peut-être, beaucoup mal. Mais si vous faites enculé avec. Avant de dire oui, je veux. Oui. Vous pouvez faire. Vous allez faire. Oui, vous allez faire. Notre auditeur. Voilà, bah, c'était le docteur Ruth. Hein. Oui, docteur Ruth, c'est très non, très gentil. Elle est fatiguée, tu sais, il est très très tard. Hein, et en plus, elle a travaillé toute la soirée il faut hier. Qu'elle aille plus la gueule. Hein, en plus. Eh oui, on dirait qu'elle a avalé un cimetière tellement qu'elle plus de la gueule. Mais enfin, hey, t'es sûr que ça marche ce truc-là? Parce que, bon, nous, on raconte toujours ça en classe, mais pff, on n'est pas sûr que ça marche. Hein. Non, non, je te promets. Le docteur Ruth a raison. Je te promets que ça va être délicieux pour ton joli petit corps de nymphe. Même pour la première fois? Même pour la première fois. Mais il ne faut pas qu'il y aille d'un coup, surtout, de David. Non, non. Il ne faut pas qu'on rentre... Ou aller... Il ne faut pas rentrer la bite d'un coup. Hein. Il faut toujours mettre un corps gras. Ne ouais. jamais vous faire enculer à la mouille, à la barre. Mais même si mon copain Bruno, il a une grosse queue, vraiment. Parce c'est mieux avec une grosse... 90, alors vous imaginez... C'est mieux avec une grosse queue qu'avec une petite queue. Parce que si tu vas vers le plus petit, bah oui. il y a l'épingle. Mm-hmm. C'est comme une épingle et puis un stylo. Ça te fera beaucoup moins mal avec le stylo qu'avec l'épingle. Ah ouais, mais... Eh bien, les bites, c'est pareil. C'est facile à dire, ça. Hein. Ah, bah, c'est encore plus facile à faire. Tu veux que je te passe mon petit Bruno? Oui, vas-y, mon tu vas voir. Bruno, tiens. Salut, mes petites chagounes. Tu vas bien, ma poupée? Ça va, ma grande? Elle est jolie, hein? Ah ouais? Elle a un joli visage. Ah, tout à fait. Et c'est à qui, ces jolis petits yeux? Ah ben, à Brunette. Oh. Et là, le gland tout lustré. Et c'est à qui, le joli petit trou? Ah, le petit trou, c'est à François. Oh. Ah, il est tout poilu, en plus. Oh, bah, il faut te raser, tu vas maigrir 3 kilos. Ah ouais. Sergette aussi. Ah. Ah ouais, tout à fait. Et voilà, et les gars, je voudrais vous demander aussi. Oui. Parce qu'on on avait trouvé une petite idée aussi autrement. Oui. Qui serait quoi, je sais pas ce que vous en pensez, parce qu'on est un peu crispé quoi, c'est peut-être pour ça qu'on a du mal, je sais oui, pas. Aussi. Oui. Et on avait pensé peut-être essayer d'abord comme une partout si vous voulez, avec mettre une fille ou deux. Oui. Mais ce que je veux dire? Bien sûr. Nous les prendre et passer d'un trou à l'autre quoi. Sans faire vraiment la distinction. Ce sera encore mieux. Vous comprenez quoi? Ce sera encore mieux parce que là, ça serait dans le vif de l'action. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on avait pensé. Et là, c'est beaucoup plus facile. Donc, il faut vous trouver deux camarades ah, avec ouais, lesquels ça serait... vous mélangeriez. Ce serait extraordinaire, effectivement. Ce serait sublime. Moi, en plus, vous n'avez pas souvent baisé. Si, tout à fait. Non. Ah non, là, il n'y a aucun problème, les gars. Combien de fois t'as baisé, toi? Dis-moi. Ouais. Je sais pas. Non, sérieusement, je les compte plus. Quoi, je veux pas me... Trois fois? Ah non, beaucoup plus quand même, faut pas exagérer. Non, je sais pas, une dizaine de fois environ. Une dizaine, ça fait 4 fois ça. Non, sérieux, non, c'est vrai. Non, on va diviser par deux. Par contre, la Françoise, elle a baisé que deux fois, elle. Hein. Deux fois? Ah oui, elle... La première fois, il est tombé dans le coma parce qu'il a vu une chatte ouverte, il croyait, il croyait qu'elle était... Ah, il croyait brillante. Comme le boxeur. Ah, il peut m'en mettre. Oh, qu'elle est méchante. Ça, vous faites. Et quand il y aura les badges, vous allez les mettre? Ah, on a déjà les t-shirts, hein. Vous avez déjà les t-shirts? Super. C'est vrai? Et vous savez que dans notre école, on les met parce qu'en ce moment il fait beau en ce moment. Oui. Et on les voit toutes nous regarder d'un air. Les mecs, les filles, tout le monde, ils sont tous là à se demander. Parce que ce qu'il y a, c'est que vous aurez. Peut-être qu'il y aurait peut-être une idée de faire deux couleurs, vous voyez ce que je veux dire? Parce que ce qu'il y a, c'est qu'ils se demandent tout le temps. Eux, c'est des homosexuels, ils sont hétéros, qu'est-ce qu'ils sont et tout. Bah justement, le doute. C'est ça, ouais, le doute. Aussi. Hein. Et puis. On est fini après. Et puis j'aime bien le petit logo sympathique, hein. Oui. Parce que. Et assez sympathique, je trouve, parce oui. qu'il c'est pas trop voyant et puis c'est vraiment bien quoi. Très bien. Mais est-ce qu'il y a des gens qui vous demandent ce que c'est sans connaître l'émission? Ah oui, tout à fait. Alors qu'est-ce et on les renseigne d'ailleurs. Il y a mon prof d'espagnol qui m'a demandé ça. Ah, dit... c'est vrai en plus, je vous jure. Il a dit qu'est-ce que c'est un groupe de rock ou un truc comme ça, non? Ouais, parce qu'on faisait un dîner de classe, elle m'a demandé. Hein, oui. Et je lui ai expliqué que c'était une radio et tout ça. Alors je l'ai pas encore mis sur... vous m'excusez, je l'ai pas encore mis sur... Non, faut sur pas... tes genoux. Sur la fréquence. Ah, bon. Mais en fin d'année, je pense lui dire. Oui. Très bien. Alors on va vous trouver deux camarades. Ah oui, ce serait très sympathique. En plus, on se répond en pensant à vous, on mettrait nos t-shirts. Là. Bah alors, imagine oui. que... Qu'est-ce que je voudrais regarder? Imagine ouais. que ton copain Serge est en train de t'enculer. Ah ouais. Bon. Mais moi, c'est moi qui vais me faire enculer. Alors passe-moi Serge. Oui, attendez, je repasse. Gros bisous, mes cocottes. Oui. Hein. Salut. Ma poulette. Bon alors, écoute, ma petite chatte. Oui. Alors, imagine que ta petite sœur Françoise est derrière toi. Oui, exact. Et te pougnave grassement. Oh. Bon. Oui, alors, tu es là. Mmh. Nous, notre on n'est pas là, on est cachés. Mais on regarde. Comme des petites souris. Et on regarde. Et on t'entend. Alors j'aimerais pendant 20 secondes que tu parles à François, mais pendant que tu es en train de te faire enculer. D'accord. C'est-à-dire que tu jouis, et en même temps tu lui parles. Ouais, mais tu lui dis ce que tu lui dirais exactement lorsque tu te ferais enculer. Oui, mais alors tu sais, comme au début je t'ai dit que j'ai préféré d'abord Eric. Oui. Ouais. Parce que bon, tu m'as dit que les grosses queues, ils étaient mieux que les petites. Oui. François est un peu plus petite que celle-ci. Enculer pour enculer, mais il vaut se faire enculer par une grosse queue. Moi j'aurais trouvé l'argent et après François pourra venir. Moi je sais pas ce que c'est parce que je reçois beaucoup de courriers. C'est purement théorique. Hein. Voilà. Bah tu m'as dit ça. Alors, confiance. Alors vas-y, pendant 20 secondes bon, tu joues et tu lui parles. Hein? Alors Eric, tu frottes ta pine. On va faire une répétition. Voilà. On fait une répétition. Mais t'as du corps gras en fait. Ah non, bah attends, déjà. Va chercher le beurre dans le frigidaire, mais s'il est dans le fraiseur, c'est emmerdant évidemment. On prend les préserves ou pas? Ah oui, toujours, beaucoup, toujours préservatif. Parce que maladie, beaucoup. Voilà. Et si vous vous droguez, il faut toujours mettre un préservatif sur la seringue, hein. Aussi. Voilà. François, mets-lui s'il te plaît, François, mets-lui. Attends, deux secondes. Eh mais faut pas piper un peu avant. Ah, ce serait une bonne. Ça serait une bonne. Que, une bonne mise en. Quand on regarde les films porno, oui. D'abord, les meufs, elles pipent. Est-ce que vous regardez déjà les films porno sur Canal Plus? Moi, j'ai Canal Plus, alors je m'en prive pas. Hein. Et est-ce que ça te fait bander? Hein? Est-ce que ça te fait bander? Alors, je vais t'avouer, ça me fait bander, c'est surtout quand je vois la queue du mec. Parce que. Attends, beaucoup. Réclame des réseaux. Mais il n'y a plus de réseaux maintenant. Oui, il y a beaucoup d'appels qui réclament des réseaux téléphoniques, mais les réseaux téléphoniques n'existent plus, ils ont été interdits. C'est que les réseaux Minitel maintenant. Alors, vas-y, Serge. Bon, t'as pris le gras, toi? Vas-y. Non. T'as pris le gras. On du beurre ou quoi? Mais oui, du beurre. Mais non, t'as vu comment il est dur. Allez, vas-y, là, dépêchez-vous parce qu'il y a encore plein d'appels. Mais de l'huile. Mais le fraiseur, vas-y. Ah bah pas au fraiseur, c'est trop dur. Attends, le fraiseur, il a pas la gaule, ce con. Bah éponge-le un peu. Ah, c'est pas... Bah vas-y, prends-moi un petit coup. Tu lui fais une petite schneckave. C'est vrai, hein? Tu voudrais pas regarder? Oh là, beaucoup. Vas-y, on vous laisse faire, allez, mais il faut parler en même temps. Tu vois, je suis tellement crispé que je dis François. Regarde, c'est vrai, là, François. Allez, vas-y, viens. Oh! Attends, sérieux. Non, sérieusement. Prends-la dans la gueule, petite salope. Ah, dans la gueule. Mais tu m'as dit enculé. C'est délicieux, Zaza. Un coup. Attends. Je suis une copine voyeuse, j'ai trouvé, c'est bien. Bon, prends-la dans ton cul maintenant. Dans mon cul? Ouais. Attends, doucement. Ah, j'ai peur, hein. Non. Arrête de déconner, j'ai peur. Prends-la dans ton cul et jouis, salope. Mais j'ai peur, merde. C'est pas grave, c'est très bon, tu vas voir. Mais ouais, mais t'es marrant, toi, ça me fait peur. Vas-y. Décontracte. Décontracte-toi. T'as vu ton cul du cul? T'as vu comment il est petit? Ouais, bah t'es marrant toi, t'as vu ta queue. Je peux pas rentrer un doigt. Eh Serge, décontracte-toi. Pense que tu... Toi la première fois, qu'est-ce que ça t'a fait? Pense que tu regardes Rousseau et Chico sur la une avec Dorothée. Mais ça c'est pour Agathe. C'est pour Agathe, doucement là. Voilà, imagine que c'est Bioman qui est derrière toi. Voilà. Transformation. Arrête, aïe. Déconne pas, François. Elle est bonne, Serge, hein. Ah, mais hey, merde, ça fait mal. Elle est bonne, hein. Oh, tu déconnes, hein, David, c'est de la connerie. Il faut jouir maintenant. Mais ça fait vachement mal, hein. C'est de la connerie. Bah alors maintenant, fais comme si tu l'avais dans le fion. C'est pas grave. Tu l'as pas, mais imagine-la dans ta tête. Tu te fais le film et tu jouis. Aïe. Arrête, ça fait mal. C'est bon en même temps. Hein. Non, vous êtes des connards, ça fait vachement mal. Tu la veux encore? T'en veux encore une petite longueur, salope, hein? Bah ouais, mais bonne, hein. Oh putain, je suis sûr que j'adorerais ça pourtant. Tu te branles, je te la glisse bien, hein. Vas-y, David. Hein, je te la glisse bien, hein. Tu aimes ça, hein? Hein? J'adore. Dis que t'as un gros peur poilu sur ton rable. Hein? Tu es génial. Je suis sûr qu'avec toi, ça serait génial. Elle est bonne, hein. Gratte-moi les couilles en dessous. Attends, tu veux que je te prenne les poils? Gratte-moi les couilles par en dessous. Vas-y, je te l'enfile bien, hein. Hein, tes petites fesses, là. Tes petites fesses de gadji, là, hein. Hein, dis-moi que tu m'aimes, maintenant. Eh, faut pas que tu m'inities, je te jure. Ah oui, tu aimerais, hein. Ah ouais, parce que toi, tu t'es qui prendre avec les mecs, putain. C'est bon, hein. Eux, c'est des enculés, hein. Bah, ils savent pas. Non, c'est toi, en l'occurrence. Ils savent pas, toi, t'es un enculé. Moi, je suis un enculé, mais eux, ils savent pas enculer. Alors. Déjà, normalement, on devrait plus te parler. T'es vache avec moi, hein. Bah oui, mais on parle plus aux enculés, nous, hein. Mais alors, moi, j'aime ça, et alors. Est-ce que t'as une visite? Bah, une visite, comment? Elle est juste rentrée au bord, là? Bah, il a mis juste son gland, quoi. Voilà. Ça fait un peu mal, hein, quand même. Un peu, t'es gentil, hein. Bon. Ça fait mal. Bon, alors, on vous trouve deux meufs, maintenant? Ouais, autant que tu trouves deux meufs. on va même pas s'en rendre compte. Voilà, je raille pas. Ah bah voilà, et ce sera la bonne excuse. Voilà. Bah oui, tout ça. Bon, et puis vous savez que dans 3 semaines, 1 mois, on va faire cette émission en public. Ah ouais, on va venir. Non mais attendez, de toute façon, ne pourront venir en public que les personnes qui ont les badges. Oh bah là, pas de problème. Vous faites, c'est quand vous voulez donner les badges? Dans 15 jours. Oh, c'est super. On les donne pas, on les vend déjà. On envoie les chèques déjà. On envoie les chèques déjà. Non, non, non, on n'envoie rien pour l'instant, parce que sinon après on va se perdre à la comptabilité. Alors, on va vous laisser. Oui. Vous êtes sympathiques tous les trois. Oh, moi, je t'adore. Hein? Et puis, un jour, il faudra venir qu'on voit vos gueules quand même pour savoir si vous êtes ombe à Ken. On se donne rendez-vous quand tu veux. Quand tu veux, où tu veux. Hein? Et on se fera des petites feuilles de rose. Oh, je suis sûr que ça sera génial. Et je te mettrai ma bite dans la gueule pour ta bonne bouche gourmande. Alors ça, par contre, j'agis pas mal pour ça. Ah, ça. Ah, ça.